Oui, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de notre entendement. Ô Seigneur, afin que nous puissions voir clairement. Seigneur, nous prions pour l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta gloire, de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Père céleste, tu l'as déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom qui peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et tu as mis tout sous ses pieds et tu l'as donné pour chef suprême à l'Église, la plénitude de son corps, celui qui remplit tout en tous. Remplis, Seigneur, ton peuple par ta parole. Parle, tes serviteurs, écoute, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de Babylone, la grande ennemie de l'histoire. Nous parlerons de Babylone, la grande ennemie de l'histoire de l'humanité et de l'Église. Amen. Amen. Le Seigneur va te dire des choses aujourd'hui qui te surprendront peut-être, mais le Seigneur il est souverain dans sa manière de nous parler. Dieu ne nous parle pas pour nous dire les choses qu'on veut entendre. Dieu nous parle pour nous dire ce dont on a besoin d'entendre. Amen. Tout ce dont nous avons parlé tout au long de cette conférence, le nerf central, c'est cela que nous allons vous présenter ce soir par la grâce de Dieu. Et je t'encourage à être très attentif et à écouter le Saint-Esprit te parler. Parce qu'en réalité, le Seigneur va nous montrer d'où vient le problème dans l'Église aujourd'hui. D'où est-ce que... Parce que pour traiter un problème, on ne traite pas un problème au niveau des effets. On traite un problème à la racine. Parce que si on traite au niveau des effets, tant que la racine n'est pas touchée, ça se reproduira. Donc, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous permettre de voir la racine de ce qui fait réellement problème. Donc, Babylone, la grande ennemie de l'histoire de l'humanité et de l'Église. Donc, en grand 1, nous allons voir l'historique de Babylone, l'historique. Et d'emblée, nous allons définir d'abord sur le plan historique ce que Babylone signifie. Babylone, sur le plan historique, c'est une ville, la ville principale de la Mésopotamie antique. Il y avait des peuples qui étaient les peuples précurseurs des premières civilisations de l'humanité, à savoir les Sumériens et les Akkadiens. Et cette ville est située sur l'Euphrate, le fleuve, au sud-est de Bagdad, c'est-à-dire en Irak actuel. Babylone signifie la porte des dieux. La porte des dieux. Et c'était la capitale religieuse de la première grande civilisation de l'humanité. Et après la chute d'Adam et le déluge, Satan s'est beaucoup investi dans cette région du monde, qui est devenue d'ailleurs un grand centre d'idolâtrie et la source principale de toutes les pratiques païennes de l'histoire et de l'humanité. Ça, c'est sur le plan historique. Maintenant, sur le plan biblique, Babylone a d'abord été appelée Babel. Babel. Babel, ça veut dire, ou Babylone. Babylone est citée à près de 300 reprises dans la Bible. Et Babel ou Babylone, avec la définition biblique, signifie confusion par mélange. Confusion par mélange. Donc, quelqu'un va nous lire 2 Corinthiens. Un frère va nous lire 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Et quelqu'un d'autre va lire. Et ensuite, tu vas lire 1 Jean, chapitre 5, verset 19 à 20. Vous avez dit 2 Corinthiens, chapitre... 2 Corinthiens, c'est bien ça. Chapitre 2. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Nous savons que nous tous, en fait, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, verset 11. Lisons ensemble. 2 Corinthiens 2, verset 11. Lisons. Allons-y, je vais compter jusqu'à 3. Nous y sommes. Si nous y sommes, on dit Amen. 1, 2, 3, lisons ensemble. Amen. L'apôtre Paul dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Si nous ignorons les desseins du diable, alors il a l'avantage sur nous. Le degré d'avantage que Satan peut avoir sur toi est proportionnel à ton degré d'ignorance par rapport à ses desseins. C'est pourquoi le Seigneur dit également que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Or, le voleur qui est Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, vous devez savoir que depuis la chute d'Adam et Ève, Satan a un projet. Et ce projet a commencé immédiatement après le déluge. Et ce projet a pris des formes plus ou moins variées tout au long de l'histoire de l'humanité. Et lorsque nous voyons dans Genèse 11 la matérialisation des premières semences de ce produit, nous voyons le produit final d'Apocalypse 17. Mais tout cela a été développé. Et cette grande ennemie de l'histoire de l'humanité et de l'Église, qui est appelée Babylone, est le projet que Satan a eu depuis la chute d'Adam et Ève. Comme nous allons vous le présenter. Donc je dis, ignorer les buts et objectifs de Satan, cela lui donne l'avantage sur nous. Certains ne comprennent pas pourquoi on demande de sortir des dénominations. Parce que les dénominations ne font pas partie du plan de Dieu, mais plutôt du plan de Satan. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, Lucifer utilise la vérité privée de son fond. Il utilise la forme. Dieu a-t-il réellement dit ? Ça, c'est le raisonnement de Satan. C'est clairement écrit dans la Bible par rapport à X ou à Y. Mais les gens trouvent le moyen de demander, est-ce que Dieu a réellement dit? Quand tu raisonnes ainsi, alors sache que tu es en accord avec Satan. Remarquez que lorsqu'il a tenté le Seigneur Jésus, Il a utilisé la parole. La parole diluée. C'est pourquoi la plus grande arme de Satan, c'est la religion. La religion, c'est la vérité qui est privée de son fond. C'est juste la forme, c'est juste la coquille. Et c'est ça qu'il utilise. Vous ne pouvez pas mesurer son pouvoir séducteur. S'il a pu faire tomber un homme et une femme parfaite, à combien plus forte raison des êtres déchus, sauvés par la foi? À combien plus forte raison? Il n'a pas eu peur de tenter le Seigneur Jésus avec le « il est écrit ». Et qui sommes-nous aujourd'hui? Si le Saint-Esprit ne nous éclaire pas dans la parole, nous sommes finis. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 4:4 que celui qui est en nous, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais maintenant, si tu veux travailler en collaboration avec le Saint-Esprit, il faut que tu acceptes l'Écriture, même si ça ne t'arrange pas. Amen. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas une parabole. Nous allons vous présenter tous les domaines de la société, comment ces domaines ont été affectés par l'esprit de Babylone. Et cet esprit est assis dans plus de 90% des églises aujourd'hui. Donc, si tu avais prévu demain matin d'être quelque part, vas-y. Il n'y a pas de problème. Nous sommes responsables de ce qu'on dit. Tu es responsable de ce que tu entends. Amen. Donc, seul, quand la Bible dit dans 1 Jean 5:19 que le monde entier est sous la puissance du malin, le verset 20 nous donne le médicament contre Satan. Il dit que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. Dans son fils Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie éternelle. Donc, c'est la connaissance révélée de Jésus-Christ qui va te préserver des desseins de Satan. Sans la révélation de la parole, le peuple de Dieu est sans frein. C'est pourquoi nous avons dit avec ce message de réforme finale de l'Église que nous n'apportons pas une nouvelle doctrine. Le Saint-Esprit nous utilise simplement pour mettre en lumière des vérités qui pendant longtemps étaient restées silencieuses. Puisque vous constatez que ces choses sont écrites dans vos Bibles. Chaque fois que Dieu apporte l'esprit de réforme, il apporte une lumière nouvelle sur des textes anciens qui pendant longtemps sont restés silencieux. Dans Éphésiens 1, 17, la Bible parle de l'esprit de sagesse et de révélation. Maintenant, il y a un problème quand on a la révélation sans la sagesse. Lorsque Pierre a eu la révélation selon laquelle Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a pris la révélation, il a mis la sagesse de côté et dans la minute d'après, Satan l'a utilisée. Amen. C'est pourquoi quand Dieu donne la révélation, il donne la sagesse qui est l'application ou la capacité de mettre en pratique ce qui nous est demandé. C'est pour cela que je vais m'adresser particulièrement aux sœurs en Christ. Lorsque le Seigneur vous donne un message au sujet du vêtement et tout ça, il donne la révélation. Vous ne prenez pas la sagesse qui est la mise en pratique, Satan va vous reprendre. Amen. Les gens qui disent que je vais mettre ça en pratique après, si l'enlèvement a lieu entre temps, tu fais comment? Jésus a dit que ce n'est pas celui qui écoute sa parole. Il a dit c'est celui qui met en pratique. Le verbe écouter et le verbe mettre en pratique sont tous deux conjugués au présent. Il n'a pas dit celui qui écoute et qui mettra en pratique. Ça, c'était dit pour la loi de Moïse. Mais dans Jacques 1 et dans Matthieu 7, Jésus dit celui qui entend ma parole et qui la met en pratique. Ça veut dire que Dieu te juge en fonction de ce qu'il t'a dit. La révélation doit être accompagnée avec la sagesse, c'est-à-dire la mise en pratique. Sinon, ça ne te sert à rien. Parce que Satan n'a pas peur de la révélation sans sagesse. Parce que la sagesse vient préserver la révélation. Et c'est ce que Pierre n'a pas compris. C'est pourquoi une minute, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La minute d'après, Jésus l'appelle Satan. Dis à ton voisin, tu dois faire preuve de sagesse maintenant. Et comment donc le projet babylonien s'est développé jusqu'à son aboutissement final. Nous allons faire avancer les images historiques. Ça, ce sont les éléments de la civilisation des Sumériens, des Akkadiens, qui étaient les prémices de la première grande civilisation de l'humanité, qui était la civilisation babylonienne. Il faut rester à côté, frère. Donc, nous avons là juste quelques éléments sur l'histoire. Je dis bien toutes les pratiques païennes, toutes les pratiques religieuses, il faut avancer, frère, sont parties de là. Écoutez, Jésus a dit que si ses disciples se taisent, qui va crier? Qui va crier? Qui va crier? Je ne vous entends pas. Qui va crier? Jésus parlait de l'archéologie. Que s'il arrive un moment où l'Église se tait, les archéologues vont découvrir les pierres qui parlent en faveur de la Bible. Applaudis pour le Seigneur. Donc, la civilisation babylonienne n'est pas un mythe. L'histoire nous prouve que c'était la première civilisation. Cette civilisation-là a été bâtie. Satan a commencé par ce monsieur. Avant qu'on arrive à Nimrod, je vais juste expliquer, chers frères, que de même que le plus grand projet de Dieu est l'Église, Dieu a conçu son projet avant la création du monde, avant la création d'Adam et Ève, et Adam et Ève n'étaient en réalité que l'image de Christ et l'Église. De même, Satan a son plus grand projet qui est la grande Babylone. Et ce projet a été conçu après la chute d'Adam et Ève. Et Nimrod n'était en réalité qu'une image de l'Antéchrist. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nimrod n'était qu'une image lointaine de l'Antéchrist. Dieu préparait Christ et l'Église. Satan préparait l'Antéchrist et Babylone. Dieu a le vrai projet. Satan dispose de la contrefaçon du projet divin. Dieu établira sa domination pour l'éternité. Satan le sait très bien. Il sait qu'avec le Créateur, il n'y a pas match. Alors, il se donne un faux espoir avec Babylone parce qu'il sait quelle sera sa fin. C'est pourquoi quand le diable veut te rappeler ton passé, rappelle-lui son futur. Son futur, c'est quoi? L'enfer. S'il te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Il sait très bien qu'il va y aller. Et vous allez constater que l'histoire de l'humanité est le cheminement de deux semences qui arriveront en maturité à la fin. Et nous sommes à la fin. Comment donc s'est développé le projet de Babylone? Dieu commence toujours ses projets sur terre par un homme. Satan fait de même. Satan a commencé le projet babylonien par Nimrod. Dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, la Bible nous parle de ce projet. Nimrod, la Bible parle de lui dans Genèse 10, versets 8 à 10. Quand la Bible dit que c'était un vaillant chasseur devant l'Éternel, la traduction en français ne reflète pas clairement l'idée qui est donnée dans le texte hébreu. Dans le texte hébreu, la Bible dit que cet homme a défié l'autorité de Dieu. Il a défié l'autorité divine. Il a été le premier dictateur de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on peut présenter d'autres images de Nimrod? Comme vous le voyez, il y a des pierres qui attestent qu'effectivement ce monsieur a existé. Et la Bible parle de lui. Et c'est lui que Satan a utilisé pour établir le projet pyramidal. Tout ce que les Illuminati accomplissent aujourd'hui là, Nimrod avait reçu tout ça. C'est pourquoi ils se sont transmis ces choses de génération en génération. Vous allez voir comment on quitte de la première civilisation pendant tout cet exposé. Nous allons arriver par la grâce de Dieu à notre époque. Et le Seigneur va ouvrir les yeux de plusieurs. Alléluia. Et les hommes ont commencé à bâtir cette tour. Dieu avait demandé à l'humanité d'aller. Nimrod dit, restons sur place. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 28, il a donné l'ordre à l'humanité de remplir la terre. Et dans Genèse 9, Dieu va réitérer le même ordre. Il leur demandait de peupler la terre sur le plan physique. Je veux te dire que tout ce que Dieu dit physiquement a une portée spirituelle. Et le même ordre va être réitéré par le Seigneur Jésus quand il va dire à l'église, « Allez !» Mais Nimrod, l'esprit de Babylone dit, « Restons sur place. Fabriquons-nous un lieu de confort. » Voici les images de la tour de Babel. Cette tour, remarquez bien, elle a une structure pyramidale. Dans Genèse 11, Dieu a vu que les hommes étaient en train de faire quelque chose. Dieu est descendu pour confondre ce projet. C'est pour ça qu'on a appelé ce projet confusion, c'est-à-dire Babylone, la confusion, le mélange. C'est pourquoi tous les systèmes babyloniens, Dieu a toujours mis sa main pour casser, parce que ça n'arrive jamais à l'aboutissement. Alléluia! C'est pourquoi tous ceux qui ont fait l'histoire à l'école, vous allez comprendre pourquoi on vous a enseigné qu'il y avait des moments dans les royaumes de l'humanité où il y a eu l'apogée et le déclin. Parce que, en fin de compte, il y a un seul royaume qui s'imposera sur la terre. C'est le royaume de Yeshua HaMashiach, l'empereur immortel du cosmos, celui qui conjugue sa mort au passé. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et pour ridiculiser Satan, il l'a vaincu en étant un cadavre. En étant un cadavre. Sachez que nous sommes nés dans le processus de la germination de ces deux semences-là. Prochaine image. Donc, la fameuse tour de Babel, c'est l'icône de tout système pyramidal. Maintenant, ce système était physique par la forme de la tour, en même temps il est spirituel, parce que le fonctionnement est également pyramidal. Donc, Satan ne va pas, quand Dieu va confondre les hommes avec la tour de Babel, Satan ne va pas renoncer à son projet. L'esprit de Babylone va envahir toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les religions, tous les systèmes humains, politiques, culturels, sociaux et religieux, avec des formes plus ou moins variées, mais un même but. Ce but final sera l'aboutissement du projet babylonien grâce au nouvel ordre mondial, dont la tête de proue sera un homme dont le chiffre est 666. Tout ça, Satan avait déjà prévu ça avant, depuis le temps de Nimrod. Mais, de même que tous les sous-systèmes qui ont été développés par l'esprit de Babylone ont connu l'apogée, ils connaîtront tous un déclin fracassant, y compris le royaume de l'Antéchrist. Depuis la tour de Babel, Genèse 11, jusqu'à la grande Babylone, Apocalypse 17, Dieu les écrasera tous. L'esprit de Babylone ne subsistera que pour un temps, à savoir celui de l'histoire de l'humanité. L'église de Jésus subsistera pour tous les temps et même jusque dans l'éternité. Et le couple antéchrist faux prophète, lorsque l'esprit de Babylone est allé du côté occidental chez les Européens, vous allez remarquer que dans l'histoire médiévale et antique des Occidentaux, vous allez faire une même remarque, c'est que chaque roi avait un sorcier ou un prophète comme conseiller. Qui a remarqué cela? C'était un type de l'antéchrist et du faux prophète. Prochaine image. Pharaon, toutes les civilisations qui sont nées après la civilisation de Babylone avaient tout un système pyramidal avec un homme à la tête et le reste du peuple en bas. Ensuite, même avec Nebuchadnezzar, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont décidé de ne pas se prosterner pendant que tout le monde se prosternait devant cette statue. Et je vais vous dire que dans chaque génération, la majorité de l'humanité adorera toujours l'esprit de Babylone. Mais dans chaque génération, Dieu s'est réservé un reste. Je dis que dans chaque génération, Dieu s'est réservé un reste qui ne fléchiront jamais, je dis jamais, les genoux devant Babylone. Ça, ce sont les croyances des bouddhistes. Toutes ces choses-là ont toujours un système pyramidal. Parce qu'il faut, gravir des échelons pour arriver à un certain niveau. Le premier roi majeur qui a été utilisé que Satan a préparé comme étant l'image de l'antéchrist et du faux prophète, c'était le roi Arthur. Qui a entendu parler du roi Arthur? Prochaine image. Arthur avait comme conseiller, comme bras droit, Merlin l'enchanteur. Ce sont eux qui ont développé les mystères du Saint Graal, toutes ces choses-là, que le sang de Jésus a été recueilli quelque part et tout ça. Et c'est ces choses auxquelles les francs-maçons croient aujourd'hui et toutes les ordres occultes. Prochaine image. Regardez bien ceci. Lorsque Arthur a reçu sa fameuse épée qu'on appelle Excalibur, il a reçu cette épée d'une entité démoniaque qui vit dans l'eau. On l'appelait la Dame du Lac, qui n'est autre que la Grande Babylone. Dans cet extrait du livre écrit par Molly Perlam et Claudine Glot, il est écrit, je cite, « Voici la Dame du Lac annonça Merlin. Elle vit sous les eaux, dans un château plein de merveilles. Parmi celles-ci, elle conserve pour toi cette épée qui s'appelle Excalibur. Elle a été forgée par un forgeron de l'autre monde dans la nuit des temps. Demande-la lui, elle te la donnera. Dame, dites-moi, à qui appartient cette épée que je vois dans le lac? Elle t'est destinée comme ce fourreau, répondit la dame, mais à une seule condition, tu dois me jurer qu'avant de mourir, tu me rendras cette épée. » Et voilà la main de la dame. Ce n'est pas une légende, ce sont des faits qui ont été rapportés. Et cette dame, c'est elle que vous voyez dans Apocalypse. Cette entité démoniaque qui se présente sous une forme féminine. Prochaine image. Et dans le développement de l'histoire de l'humanité, je ne reviendrai même pas sur Hitler. Hitler, vous savez, tous les grands dictateurs de l'histoire de l'humanité, à savoir Adolf Hitler, Mussolini, Staline, tous ces gens-là ont été financés et fabriqués par le Vatican. Vous voyez toujours le couple faux prophète antéchrist, c'est-à-dire un homme religieux d'influence mondiale avec un homme politique d'influence mondiale. Voilà une image encore du couple final antéchrist-faux prophète. Prochaine image. Et une autre image encore du couple final antéchrist-faux prophète. Le nom Barack Hussein Obama, il y a des personnes qui ont fait une certaine lecture, avec Barack Hussein Obama, on ressort 666. Il n'est pas l'antéchrist, mais il est le dernier type de l'antéchrist. Ensuite, comme il a l'espoir en anglais, hope, pop, joli couple, c'est ainsi que ce sera, l'antéchrist va marcher main dans la main avec le faux prophète. Prochaine image. De même, il y a cette image également du côté des Russes avec le président Poutine et les dirigeants de l'église orthodoxe, avec le pape Shenouda III qui est décédé dernièrement. Et puis la Bible nous dit que l'antéchrist viendra de la Russie. Nous n'allons pas entrer là-dedans. Prochaine. Ensuite. Donc, nous parlons de Babylone, la grande ennemie de l'histoire de l'humanité. Prochaine image. Après avoir présenté l'historique, nous allons vous présenter Babylone elle-même. Donc, présentation de Babylone. Donc c'est le prochain, c'est un autre diaporama. Présentation de Babylone. Deuxième grande partie, présentation de Babylone. Donc nous allons présenter de manière générale tout d'abord le principe général de Babylone. Prochaine, voilà. Présentation générale de Babylone. Dans la présentation générale, Babylone, c'est un système pyramidal qui a une tête séparée de la base. Et la tête est le pouvoir incarné par un seul homme. La base est le reste du peuple qui subit le dictat du prince. Voilà la présentation générale. Maintenant, nous allons montrer au fur et à mesure dans différents domaines comment est-ce que Satan a réussi à infiltrer ce système dans tous les milieux de l'humanité, jusque dans l'église. C'est pourquoi nous parlons de Babylone, la grande ennemie de l'histoire de l'humanité et de l'Église. Prochain schéma. Babylone repose sur six piliers. Six. Six, c'est le chiffre de l'homme. Six. L'homme a été créé le sixième jour. Quand vous lisez Genèse 11, versets 1 à 4, vous allez voir attentivement que ces six piliers-là ressortent dans cette portion de l'Écriture. Le premier pilier de tout système babylonien, c'est que au début, les hommes s'associent sous un chef. Un chef qui est omnipotent, excluant ainsi Dieu de leurs affaires. Le deuxième pilier de Babylone, on se regroupe sous un nom. Vous allez comprendre pourquoi les dénominations ne viennent pas de Dieu. Le troisième grand pilier de Babylone, on veut atteindre les sommets pour être connu et reconnu. Le quatrième grand pilier de Babylone, on se construit une maison mère qui va contrôler tout le système. Le cinquième grand pilier de Babylone, le projet repose sur la base des ressources et capacités humaines. Et le sixième grand pilier de Babylone, le projet repose sur le bitume des partenariats humains extérieurs qui nous apporteront leur aide pour bâtir ce projet. Comment nous ressortons cela dans Genèse 11, versets 1 à 4? La Bible dit que les hommes, Dieu a vu que les hommes se sont rassemblés, ils parlaient tous un seul même langage. Ils ont exclu Dieu de leurs affaires. Ils se sont regroupés sous un nom. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Et ils voulaient bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. Troisième pilier, on veut atteindre les sommets pour être connu et reconnu. Quatrièmement, on se construit une maison mère qui va contrôler tout le système. C'est-à-dire, faisons-nous un lieu de confort. Alors que Dieu est en train de demander d'aller, de ne pas se bâtir un lieu de confort sur terre, d'aller, de remplir le monde. Ensuite, le projet repose sur la base des ressources et capacités humaines. Ils ont bâti ce projet, mes amis, avec de la brique. La brique, contrairement aux pierres, la brique est fabriquée par l'homme. Les pierres sont fabriquées par le Dieu de la nature. Alléluia. L'église n'est pas bâtie avec les briques, mais tout système babylonien est bâti avec des briques, c'est-à-dire le fruit ou le produit de l'humanité. Et le projet repose sur le bitume. Le bitume, la Bible dit qu'ils ont utilisé le bitume comme ciment. Le bitume a quelle couleur? Le bitume a quelle couleur? Ça représente le fait que tout ce qu'on essaye de faire sans Dieu, même si on s'associe aux yeux de Dieu, c'est les ténèbres. Prochaine image. Lors de la présentation politique, sur le plan politique, comment est-ce que Satan a investi le milieu des hommes? Lorsque, avec le philosophe, prochaine image, Thomas Hobbes, qui a entendu parler de Thomas Hobbes, que ceux qui font le bac profitent pour réviser. Alléluia. On rentre encore en arrière. Thomas Hobbes, lors de la question sur la société, on se demande quelle est l'origine de la société. Il y a deux origines qui ont été proposées. Thomas Hobbes propose que les hommes, la majorité de l'humanité, remettent leur liberté entre les mains d'un seul qui va les diriger. Et il a appelé celui-là le Léviathan. Or, quand vous lisez votre Bible dans Ésaïe 27, verset 1, la Bible nous parle du Léviathan comme étant une entité démoniaque qui vit dans les eaux. Et cette entité démoniaque travaille directement en collaboration avec l'entité démoniaque qui est appelée Babylone. Babylone, c'est la femme de l'antéchrist, l'épouse spirituelle de Satan. Tout comme l'Église est l'épouse spirituelle de Jésus-Christ. Et toutes les nations du monde ont copié ce système. C'est pour cela que Dieu ne voulait pas qu'Israël ait un roi humain à leur tête. Lorsque Israël a décidé d'avoir un roi humain à leur tête dans 1 Samuel chapitre 8, la Bible nous montre que Dieu leur a dit que comme vous avez choisi, ils ont dit comme les autres nations, parce que Satan avait infiltré ce système-là dans toutes les nations, le système pyramidal, En Égypte, qui était la deuxième grande civilisation après les Babyloniens, vous allez voir, il y avait le pharaon tout-puissant qui était considéré comme étant Dieu. Chez les Grecs, chez les Romains, l'empereur César était toujours considéré comme étant Dieu. Et tout le reste était à la base. Puisque nous savons que la démocratie, Demos Kratos, est venue d'où? De chez les Grecs. Et le reste du peuple, la société ou les gouvernés subissent le dictat du prince. Prochaine image. Sur le plan politique aujourd'hui, le système de Babylone est incarné par la plus grande puissance. Chaque grande puissance mondiale a été pleinement moulée dans ce système. Les États-Unis sont considérés comme étant la grande Babylone sur le plan politico-économique. Lorsque vous lisez Apocalypse 17, versets 9 à 11, la grande Babylone, sur le plan économique, elle se réfère aux États-Unis à la fin des temps. Sur le plan religieux, elle se réfère à la ville de Rome. Les États-Unis, seuls gendarmes du monde, le reste du monde à leurs pieds. Prochaine image. New York, quand vous lisez Apocalypse 17, verset 18, la Bible dit « La femme que tu as vue, c'est la grande ville. » Donc Babylone peut être visualisée sous plusieurs angles. La grande ville qui a autorité sur les rois de la terre. Et vous voyez quand on décrit Babylone, elle a les cornes, elle a une coupe à la main, elle ressemble étrangement à la statue de la liberté qui a été offerte par un franc-maçon français aux Américains. Et elle porte sur son... À ce niveau-ci, il y a les noms d'abomination là, comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Prochaine image. Et la configuration finale de ce système... C'est le nouvel ordre mondial, nouveau ordre seclorum, où les Illuminati, qui sont les seuls éclairés, qui sont la tête, et le reste du monde, les non-éclairés, sont la base. Et d'après le schéma d'Apocalypse 17, versets 16 à 17, il y aura très bientôt, mes amis, une confédération de 10 États-régions qui sera officialisée. C'est pourquoi on nous parle du monde comme étant un village planétaire. Et il n'y a pas de village sans chef. Tout ça, c'est pour préparer le terrain à l'antéchrist. Prochaine image. C'est pourquoi, lorsque vous regardez le billet du dollar américain, il y a un président américain, lorsqu'il est venu, il a modifié quelque chose sur le billet de dollar américain. Il a mis un œil là-dessus. Cet œil représente les Illuminati. Et ils sont arrivés au pouvoir aux États-Unis avec les Bush, père et fils, et avec Barack Obama, qui est le plus gradé des Illuminati. Après lui, ce n'est que l'antéchrist. Et vous voyez, le logo des Illuminati et du nouvel ordre mondial sur le biais du dollar américain. Et vous voyez, on a écrit là, Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre mondial. Et quand vous voyez cette illumination là, ça veut dire ils sont illuminés, ils sont illuminés tout le reste du monde qui est sous le bas de cette pyramide. Vous voyez comment Satan a conçu ça depuis avec Nimrod, pendant des millénaires et des millénaires. Et aujourd'hui, les choses sont en train de s'accélérer. Et nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite. Prochaine image. Donc c'est pourquoi vous voyez au sommet de la pyramide, ils ont appelé cela l'œil d'Horus, le grand architecte de l'univers. C'est un autre nom qui a été donné à Satan. Prochaine image. Le logo de l'ordre mondial noir en 1979. Prochaine image. Ça c'est l'extrait d'un clip du groupe américain Spice Girls. Prochaine image. L'antéchrist. Donc voici la configuration finale. Tout ce système qui avait été bâti par Nimrod verra son accomplissement et son apogée, sa matérialisation finale avec l'avènement de l'antéchrist qui sera le seul maître du monde. La Bible dit que tous les autres vont lui remettre leur pouvoir. Les états du monde seront bientôt des régions du monde. C'est pourquoi vous voyez maintenant les passeports régionaux où maintenant tu peux quitter d'un pays à un autre comme si tu es dans ton propre pays. Et le reste du monde sera à ses pieds. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse 13, versets 3 à 4. Apocalypse 13, toujours verset 13 et le verset 15. La Bible dit que le monde entier, si tu rates l'enlèvement, tu seras là. Mais si tu acceptes de prendre la marque de la bête, on ne sait jamais. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Donc au cas où, parce que quand on parle de l'enlèvement, les gens croient que ce sont les choses qui auront lieu dans 100 ans. Nous sommes dans la période de l'enlèvement, si vous ne le savez pas. Nous pouvons connaître la période, mais nous ne pouvons pas connaître le jour ni l'heure. Comme une femme enceinte, quand tous les signes sont déjà manifestes, on sait qu'elle peut accoucher à tout moment. Nous sommes dans la période du retour du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur parle de réforme finale. Et nous avons dit dès le départ de cette conférence que sans la réforme, il ne peut pas avoir enlèvement. Tout comme Jésus, son corps physique avait été déformé, il a été reformé par le Saint-Esprit avant que Jésus soit enlevé. Il en est de même pour son corps spirituel qui avait été déformé. Le Seigneur est en train de le reformer. Et dès qu'il est réformé, il n'a plus beaucoup de temps à mettre sur terre. Alléluia. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prochaine image. Maintenant, je vais vous présenter le système babylonien sur le plan socio-culturel. Sur le plan socio-culturel, il y a certains d'entre vous qui ne vont plus faire certaines choses après qu'on va, on va présenter ces choses-là. Sur le plan socio-culturel, vous allez remarquer que le système babylonien s'est également infiltré. Le même principe s'applique. Il y a une star à la tête, elle est assoiffée de pouvoir et de gloire, et à ses pieds, il y a ses fanatiques, ses fidèles, ses adorateurs dévoués. Donc, la starmania et le culte médiatique de la personnalité est une autre manifestation de l'esprit de Babylone. Et dans Matthieu 4, versets 9 à 10, Luc 4, versets 5 à 8, Satan a dit à Jésus que je donne la célébrité à qui je veux, parce qu'elle m'a été donnée. Prochaine image. Dans la starmania, une autre manifestation de l'esprit de Babylone, une seule personne est vénérée par un groupe qui sont ses fanatiques, qui sont à ses pieds, il est comme leur Dieu. Prochaine image. Et cela infiltre, cela inclut le cinéma. Si tu es un fanatique d'un acteur, peut-être que tu as échappé à Babylone sur le plan politique, mais Babylone te rattrape sur le plan socio-culturel. Si tu es un fanatique d'une star, alors tu es dans le système babylonien. Prochaine image. Si tu es fanatique d'une de ces stars, je ne veux même pas prononcer leur nom. La Bible dit que leur nom, que le nom des idoles ne doit pas être sur notre bouche. Si tu es fanatique de l'une de ces personnes, même celles qui ne sont pas là, Lady Ponce et tout ça, tu es dans le système babylonien. Si tu es même fanatique d'un chanteur chrétien, tu es dans le système babylonien. Prochaine image. Voici ceux qui... Rentrons. Ceux-ci ne se cachent même pas pour montrer que le système pyramidal. Je veux m'adresser aux jeunes gens. Continuez à suivre Trace TV. Vous êtes dans le système pyramidal. Continuez à suivre ces MTV, ces choses-là. Vous êtes dans le système pyramidal. Et eux, ils savent, parce que ce sont également des Illuminati. Et les gens suivent aveuglément. Prochaine image. Tous ces gens, tu es fanatique, je ne veux même pas prononcer leur nom. On peut appeler leur nom, le démon qui est en quelqu'un dans la salle se reconnaît. Et il peut venir troubler notre réunion. On continue nos choses. Prochaine image. Si tu es fanatique d'un joueur de football, tu es dans le système pyramidal. Certains sont là. Je parle des frères en Christ. Il est en train d'attendre. Il dit que si la conférence s'y arrive à l'heure où le match de telle équipe doit commencer, il va seulement rentrer. Tu es dans le système pyramidal, mon cher. Tu es fanatique. Si tu es une femme, dès que tu vois une star à la télé qui fait une chose, tu copies seulement. Alors, ma chère, bienvenue dans le système pyramidal. Coiffure Rihanna, ce sont les petites amies de Satan. Et c'est elles que vous admirez. Admirez toujours. Vous savez, la grande Babylone, si elle se tient ici, elle est très jolie, hein. La Bible dit que quand Jean l'a vu, Jean dit qu'il a été séduit. Il a été séduit. Parce que son pouvoir séducteur est très fort. Mais celui qui était en Jean est plus fort que celui qui était en elle. Il y a certains qui disent que, il y a quoi, moi, Dieu m'a donné la mission pour aller évangéliser les prostituées, alors que tu n'as jamais évangélisé même le voisin du quartier. Tu vas aller, c'est toi qu'on va évangéliser là-bas. Ne voyez pas ce qui brille là. Il y a les démons dedans pleins. C'est le tombeau. Le tombeau est très propre à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pourri des. Amen. Ça. Toutes ces choses. Prochaine image. Tu es fanatique d'une célébrité, d'une star. Que, hey, voilà mon préféré. Tu es dans le système pyramidal. Parce que c'est ton idole et tu es à ses pieds. Prochaine image. Les fanatiques de ces gens-là, c'est que vous êtes dans le système pyramidal. parle en langue, crache le feu, chasse les démons, rababote, si tu veux, mais tu es dans le système pyramidal et si l'enlèvement a lieu, tu vas rester. Parce que vous êtes à leurs pieds. On sait très bien qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. On sait. On sait. Donc on connaît l'arbre par ses fruits. Prochaine image. Cristiano Ronaldo, 40 buts en une saison. Hey, ma star, est-ce qu'il va marquer ce soir? Système pyramidal. Dieu aussi est en train de me parler. Oh. Parce que j'aime la Liga. Quelqu'un disait que ça, que le Seigneur nous aide. Car Babylone veut toucher le ciel sans l'aide de Dieu. Voilà le principe de Babylone. Elle propose la gloire à l'homme sans la croix. Toute gloire qui est obtenue sans la croix de Jésus, c'est un système pyramidal. Prochaine image. Babylone sur le plan religieux. Mes amis, sur le plan religieux, Babylone fonctionne toujours avec le même principe, à savoir un gourou à la tête. Il est considéré comme étant l'élu des dieux, l'homme de Dieu, le seul illuminé, le plus gradé. Et à ses pieds, il y a les adeptes ou les moins gradés qui sont ses suiveurs aveugles. C'est le propre de toutes les sectes. Toute dénomination est une secte. Allez dire que Olivier Ndongo a dit. Toute dénomination. Regardez bien, prochaine image. Nous allons y arriver tout doucement. Sur le plan religieux, le système pyramidal est incarné par la grande Babylone, l'église catholique romaine, à la tête, le pape, souverain pontife, veut dire maître des mystères païens. Le Vatican veut dire la cité du serpent ancien, Vaticanos. Et le reste de l'église universelle catholique est à ses pieds. Voilà Babylone sur le plan religieux. Et toute structure religieuse qui a cette réplique en miniature est un autre système pyramidal. Prochaine image. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4 que nous allons lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Quand je pense qu'il y a des frères en Christ qui disent que quand la fin des temps va arriver, tu ne sais pas qu'on est en train de vivre la fin de la fin des temps. Parce que la fin des temps a commencé depuis que Jésus est venu sur terre pour la première fois. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4 dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cet homme s'est proclamé Dieu quand il se fait appeler le Saint-Père. Saint-Père avec grand S, grand P. Lorsqu'il porte ceci, il est en train d'insulter Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que l'homme qui prie la tête couverte ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Il déshonore Jésus trois fois parce qu'il a trois chapeaux. Et ces trois couronnes qui lui ont été données symbolisent le pouvoir céleste, terrestre et souterrain. Pourtant, la Bible dit que c'est Jésus, à la mention de son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et même cette croix, tant que Jésus est sur la croix, c'est un symbole de malédiction. C'est ce que la Bible dit dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Prochaine image. Quand on l'appelle vicaire du Fils de Dieu, vicarius filii Dei. Non. Vous voyez comment les gens sont en train de l'adorer. Prochaine image. Voilà comment les gens l'adorent. Chaque dimanche matin au Vatican, les gens se prosternent devant lui de cette façon. La Bible dit l'adversaire. Pour ceux d'entre vous qui disent encore que non, Dieu m'a envoyé dans l'église là, où Satan est assis. Vas-y. Bon pied la route, mon cher. Et bonne messe, bon dimanche. Remplaçant du Fils de Dieu. Quand il se fait appeler vicaire du Fils de Dieu, Ça veut dire qu'il a remplacé Jésus. Jésus n'a jamais pris de vacances. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prochaine image. Vicarius Filii, vicaire du Fils de Dieu en latin. C'est Vicarius Filii. Si nous considérons les chiffres romains, V, c'est 5. I, c'est 1. C, c'est 100. On élimine A, on élimine R. I, encore, c'est 1. V, c'est encore 5. On élimine F, I. L, c'est 50. 2 là-bas. D, c'est 500. E est éliminé. Il reste I. Quand vous calculez tout ça, qu'est-ce que ça vous donne? 666. Apocalypse 13, verset 18. Prochaine image. Prochaine. Ok. Avant qu'on en arrive là, l'Église catholique romaine est le siège principal de l'idolâtrie sous la Nouvelle Alliance. Comme la Babylone antique était le siège principal de l'idolâtrie sous l'Ancienne Alliance. Le pape n'est pas le descendant ou le successeur de Pierre. Il est le descendant et le successeur de Belshazzar. L'Église catholique romaine est la mère de toutes les, n'est pas la mère de toutes les églises. Je veux préciser. Parce que l'église primitive a vécu 300 ans avant elle. Amen. Elle est plutôt la mère de toutes les églises babyloniennes. C'est-à-dire ses héritières dénominationnelles. Parce qu'elle est la première dénomination. Et Rome va d'ailleurs développer plusieurs mystères dans son système. Tous dérivés des civilisations babyloniennes et grecques. Toutes les civilisations ont tiré leurs pratiques du premier empire qui était Babylone, y compris l'Église catholique romaine. Donc, Babylone sur le plan religieux, lorsque nous lisons dans Zacharie 5, versets 1 à 9, la Bible nous montre là-bas une entité. Nous allons lire Zacharie 5, verset 1. Nous allons lire tout à l'heure après avoir présenté ceci. L'esprit de Babylone est également entré en Israël. Lorsque les Israélites ont accepté d'abord un roi humain à leur tête, ils ont fait 1095 ans dans la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi humain à leur tête. C'est pour ça que quand ils ont voulu investir Jésus comme roi dans Jean 6, verset, je crois, 14, Jésus a refusé l'investiture royale des hommes parce que son royaume n'est pas calqué sur ce système-là. Alléluia. Jésus n'est pas le roi qui écrase les gens, il est le roi serviteur. Amen. Il est le roi serviteur. Donc, les pharisiens et où le chef de la synagogue, c'était la tête et la base, le reste du peuple juif. Ça, c'était le système religieux au premier siècle. Quand vous lisez Matthieu 23, versets 1 à 36, Jésus est résolument contre ce système. Il le dit clairement. Lorsque vous voyez dans une assemblée où il y a déjà les chaises des bishops, les chaises des pasteurs, les chaises du reste du peuple, bienvenue dans Babylone. Vous ne répondez pas, hein? L'autre là, on ne dit pas amen. Prochaine image. Le système de Babylone sur le plan religieux a pour but de couronner un seul homme à la tête. Et tous ceux qui sont en bas là, ils sont à ses pieds. Il est leur couverture spirituelle, entre guillemets. Comme si Jésus a cessé d'être la tête de l'église. L'église n'a pas deux têtes. Il n'y a qu'un monstre qui a deux têtes. L'église a une seule tête, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la bâtisse d'un empire ecclésiastique avec un dirigeant super charismatique à la tête. Prochaine image. Le système pyramidal sur le plan religieux à la tête, fondateur ou porteur de vision, l'homme de Dieu entre guillemets, et en bas, le reste du peuple, ses brebis, où eux ils sont les enfants de Dieu, lui il est l'homme de Dieu. Lui n'est pas enfant de Dieu, il est l'homme de Dieu. Alléluia. Et les autres sont les. Wonderful. Ce sont Comme il est le père fondateur et le porteur de vision, ce sont ses églises. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ce sont ses églises. C'est pourquoi il dit ma vision. C'est pourquoi il dit que ses brebis. Pourquoi tu as volé mes brebis? Le jour où quelqu'un t'appelle sa brebis, demande-lui, tu es mort sur la croix pour moi quand? Parce qu'il est écrit, je donne ma vie pour mes brebis. Ce n'est que Jésus qui peut dire ça. Amen. Si tu lui dis que je suis ta brebis, allons chercher les clous. Je te crucifie maintenant. Tu meurs pour moi, alors je deviens ta brebis. Alléluia. Ce sont les spectateurs. On vient l'acclamer chaque dimanche. On vient, il est l'acteur principal, les autres sont les spectateurs. Personne ne peut prophétiser si ce n'est lui. Personne ne peut imposer les mains à quelqu'un si ce n'est lui. S'il ne transmet pas son onction, ce n'est pas l'onction de Jésus, c'est son onction. S'il ne transmet pas ça à quelqu'un, alors personne n'est mandaté pour imposer les mains. Il y a quelqu'un qui a voulu apporter le système pyramidal en Israël, au temps de Moïse. Moïse, comprenez très bien, Moïse n'a jamais été dans le système pyramidal parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question. Que, mais n'est-ce pas Moïse était à la tête, le peuple était en bas? Jamais. Va bien relire ta Bible. Moïse, Dieu a enlevé le système pyramidal dans la pensée de Moïse pendant 40 ans. Jusqu'à ce que Moïse devienne humble, il n'était plus rien. C'est là que Dieu dit, voilà l'homme que je veux utiliser. Et quand Moïse est établi par Dieu au devant du peuple d'Israël, ce n'est pas dans un système pyramidal parce que Dieu ne se contredit pas. C'est pourquoi Dieu va susciter 70 anciens qui vont s'occuper du peuple d'Israël. Maintenant, il y a un problème qui s'est posé un jour, c'est que quelqu'un est venu dire à Moïse que « Tonton Moïse, il y a quelqu'un là-bas dehors au camp qui est en train de prophétiser. » Moïse lui a dit que tu es jaloux pour moi. Moïse lui a dit que si ça ne dépend que de moi, que le peuple de Dieu soit fait seulement de prophètes. Amen. Si c'était le système pyramidal, Moïse allait dire que « Amenez-le-moi ici, petit frère qui t'a autorisé à prophétiser. » Mais Moïse lui a dit, tu es jaloux pour moi, ça ne me gêne pas. Alléluia. Mais il y a certains, quand ils vont apprendre que tel a prié pour telle personne, il va dire que, quoi? Appelez-le ici, on te convoque. On commence à te sermonner. Quelqu'un dit sermonner jusqu'à ta part vient. Tu dois rendre compte parce que tu es parti prier pour quelqu'un. Ce n'est pas ce que les pharisiens faisaient. Vous-même dites-moi, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils n'ont jamais réussi à guérir même le mal de tête à la mouche. Jamais. Maintenant, quand avec ce système-ci, les gens sont au pied du surintendant, ces choses-là ne sont pas dans la Bible. Amen. Le jour où ils viennent dans le pays où vous êtes, où ces églises sont représentées, tout le monde se rassemble à ses pieds pour venir écouter l'homme de Dieu. Et quand il entre, il avait ses 18 gardes du corps. Tente de tousser même à côté. On va te couder l'œil gauche. Prochaine image. Babylone sur le plan religieux. Le clergé ou le corps pastoral. Le reste, mon frère. Le clergé ou le corps pastoral à la tête, le reste du peuple. Or, la Bible dit dans Éphésiens 4:4 qu'il y a combien de corps de Christ? Il y a combien? Bon, s'il y a le corps pastoral, le reste là, c'est le corps de qui? C'est le corps mentoral. Oui. Le reste du peuple est laïque. Cette doctrine-ci, le Seigneur Jésus n'aime pas ça. Il hait cette doctrine. Quand vous lisez Apocalypse 2, Jésus a dit « Je hais la doctrine des Nicolaïtes ». Les Nicolaïtes, Nicolaïtes veut dire celui qui domine le peuple. Les Nicolaïtes, c'est eux qui ont apporté la doctrine du cléricalisme, selon laquelle il y a certains qui doivent servir Dieu, qui sont élevés, les autres sont en bas. Et il faut les écraser. C'est ceux qui dirigent là qui sont les patrons. Jésus a dit qu'il hait cette doctrine-là. Quand les disciples ont voulu demander que qui sera le chef parmi nous, Jésus a dit que les nations les tyrannisent. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Parce que celui qui veut être le plus grand doit servir les autres. Parce que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Ça, c'est le schéma classique local de tous les systèmes pentecôtistes de réveil. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Prochaine image. Schéma classique local des églises pentecôtistes et de réveil. papa et maman pasto à la tête. Ici là, à la frontière, ici là, c'est la famille. Le cousin joue à la batterie. Le cousin du cousin joue au piano. Celui qui garde la caisse, c'est le frère de la soeur du neveu de maman. Et ici à côté, donc ici là, c'est la famille. Parce que la famille joue comme la barrière de protection pour ceux-ci là. Et ils sont entre eux qui se partagent les bénéfices de l'entreprise. Ceux-ci viennent seulement donner, donner, donner. Or, ils ne savent pas qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir, recevoir, recevoir, recevoir. Quelqu'un peut-il applaudir pour le Seigneur? C'est le schéma classique. Et vous allez remarquer que parfois, le monsieur-ci est un peu spirituel. Mais sur 90% des cas, celle-ci est très charnelle. Et c'est elle qui commande. Quand elle entre, elle met le sac comme chantou. Elle marche. Où il y a quoi sur la main si haut? Elle marche. Dès qu'ils arrivent, vous vous levez. Les autorités sont entrées. Ils s'asseyent. Comme vous n'avez pas chaud, les ventilateurs sont braqués sur eux. Comme vous ne respirez pas le même air. Et ils doivent marcher sur le tapis. Toi, tu dois marcher sur le sol. Ce schéma ne vient pas de Dieu. Amen. Nous sommes la voix des Jean-Baptiste qui crie dans le désert, que toute route qui a été tordue soit reformée, que toute route qui a été déviée soit redressée, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé pour son second avènement. Sinon, vous tous qui faites vos spectacles là les dimanches matin, Jésus va revenir, vous allez continuer à faire le spectacle. Prochaine image. Donc, après avoir présenté donc Babylone. Quand on dit maintenant Babylone, quelqu'un sait maintenant de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Je vais lire le témoignage d'un frère en Christ qui vit en France. Il s'appelle Patrick Fontaine. Il a écrit un livre sur Babylone également. Le Seigneur l'avait enlevé en vision. Et quand le Seigneur a enlevé le frère en vision, le Seigneur lui a dit, je vais te montrer Babylone. Il est allé en esprit dans une grande ville. Il a vu beaucoup d'églises là-bas dedans. À sa grande surprise, il était pasteur, il a vu son église là-bas. Et quand il est revenu, il dit qu'il a été secoué par le Seigneur parce qu'on lui a dit un seul message là-bas. On lui a parlé de la réforme de l'église. Je connais Patrick Fontaine. Il me connaît. On ne se connaît pas. Mais on a reçu curieusement le même message. Alléluia. Et quand le Seigneur l'a ramené, il a détruit tout ce système-là pour se conformer à ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Il y a quelque temps également, le Seigneur m'a fait voir en esprit Babylone. J'ai vu la tour de Nimrod que nous vous avons présentée là. J'ai vu cela, c'était cassé un peu en haut. Et une porte s'est ouverte, on m'a demandé d'entrer. Je suis entré. Là-dedans, j'ai vu trois esprits, trois démons de haut rang qui sont assignés par Satan sur la terre pour multiplier les églises babyloniennes. Il y avait le démon de mort, c'est pas la première fois que je le vois, je l'ai reconnu là-bas, mais lui ne parlait pas. Il y a un démon particulièrement qui parlait beaucoup. Le démon là était en train de rire. Il disait merci d'envoyer les âmes dans le trou du pentecôtisme. Il riait. Et le Seigneur m'a mis à la porte, c'est comme s'il fallait que j'ouvre la porte pour que les gens sortent. Mais malheureusement, là-bas dedans, il y avait beaucoup de portes à l'intérieur. Malheureusement, c'est à peine deux ou trois personnes qui sont sorties. Dans cette vision que le Seigneur m'a montrée. Je dis à peine deux ou trois personnes qui sont sorties. Et après, on m'a donné un bâton. On m'a demandé de piquer ça sur l'esprit là, étant à l'intérieur. Donc j'étais comme à l'intérieur, à la porte là. Et je retenais la porte comme on retient l'ascenseur pour que les gens puissent sortir. Et il y avait les portes là-bas, mais les gens restaient à l'intérieur. Maintenant, quand je piquais l'esprit qui riait là, qui disait que merci d'envoyer les âmes dans le trou du pentecôtisme, je vous dis que ça ne le chatouillait même pas. Ça ne le chatouillait même pas. Je me suis réveillé, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit, je voulais te donner la leçon que tu as à dire à mon peuple. S'il reste dans ces systèmes-là, on ne combat pas un système en étant à l'intérieur du système. Il faut sortir. Amen. Il faut sortir. Donc, Les plus grandes œuvres de l'esprit de Babylone. Prochaine image. L'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est tout simplement l'association de toutes les églises et mouvements religieux sous un seul chef qui n'est autre que le faux prophète. Les gens pensent qu'on est en train de parler pour parler. J'ai deux documents ici devant moi où le pape Benoît XVI a signé un document le 6 juillet 2009. Ce document est appelé Veritate Caritas, ça veut dire la charité dans la vérité. Dans ce document, il est en train d'appeler le monde entier à se soumettre à une seule autorité qui ne tiendra pas compte des frontières des pays, qui ne tiendra pas compte des régions, qui ne tiendra pas compte des races. Et il est en train de proposer une réforme du système économique mondial. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit que la deuxième bête qui est le faux prophète fera en sorte que les gens acceptent un nouveau système économique. Et dans cette... C'est une encyclopédie, hein. Là-dedans, il demande la révision de la constitution de l'ONU. Il est en train d'appeler l'antéchrist. Et je vous dis, l'antéchrist est déjà là. Il attend une seule chose, c'est que je m'en aille. Je vais partir seul. Il attend quoi? Que nous nous en allions. Parce que c'est toi qui le retiens encore. Donc les documents sont là. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. On est là, on dort. On te prêche prospérité terrestre. Tu ne sais pas qu'on est en train de te voiler les yeux pour que tu restes. Jésus, si vous ne trouvez pas curieux, Jésus a dit que ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Mais certains gens viennent vous prêcher de la part de Dieu que Dieu va te bénir. Ils ne font que vous prêcher les choses de la terre, les choses de la terre, les choses de la terre. Paul a dit que de telles personnes dans Philippiens 3, verset 18 à 20, que leur fin sera la perdition, l'enfer. Qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Quelle est la dernière fois qu'on t'a parlé du ciel? Quelle est la dernière fois qu'on t'a parlé de l'enfer? Quelle est la dernière fois qu'on t'a prêché sur le péché? Quelle est la dernière fois que tu t'es mise à genoux pour demander pardon à Dieu? Tous les jours, tu t'habilles bien les dimanches pour aller dans les tombeaux. Quand tu rentres là-bas, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu pars seulement pour transpirer, pour rentrer, c'est tout? Qu'est-ce qui a changé? Le Seigneur nous interpelle, mes amis. Soit tu passes par la dure épreuve de la réforme finale, soit tu passeras par la dure épreuve, la cruelle épreuve de la grande tribulation. Donc, les principales œuvres du système babylonien sur le plan religieux, c'est l'œcuménisme. Prochaine image, toutes les religions, c'est pour ça que toutes les églises qui ont pris les autorisations officielles, très bientôt, vous serez contrôlés. Le faux prophète ou la seconde bête dont la blessure mortelle a été guérie, il est déjà là. Si le faux prophète est là, l'antéchrist n'est pas loin. La papauté n'a jamais connu un rayonnement aussi élevé qu'avec celui-ci. Le retour de la papauté au premier rang, au premier plan à la fin des temps. À un moment donné, Rome n'avait plus trop d'influence sur le monde. Mais maintenant, la blessure mortelle de la bête a été guéri. Prochaine image. Les parrains évangéliques du mouvement œcuménique, Billy Graham, Benny Hinn, Pat Robertson. Nous allons suivre une interview de Benny Hinn lors de l'enterrement de Jean-Paul II. Or, ce sont les plus grands leaders évangéliques dans le monde. Tous sont dans l'œcuménisme. Prochaine. Vous allez écouter ce qu'un grand prédicateur, entre guillemets, dit au sujet du pape. La compromission est entrée dans les choses de Dieu. Écoutez attentivement. Ça, c'est la mouvance. Ce sont les leaders de la mouvance pentecôtiste. Popular televangelist Benny Hinn joins us shortly. You may not know that Hinn has fond recollections of Pope John Paul. Benny Hinn, live from Rome. Un grand ami du pape. Live to Vatican City and televangelist Benny Hinn. Good morning, Benny. On l'a interviewé. Good morning. When you see so hello, many. Carol. Hello. Thank you for joining us. When you see so many standing in line for 7-8 hours, what are these people searching for? On lui demande qu'est-ce que les gens cherchent là-bas au deuil de Jean-Paul II. Il dit que les gens l'ont très faim de Dieu. Il dit que c'est un moment très émouvant pour lui. Il dit qu'il était ému jusqu'à ce qu'il a pleuré. Parce qu'il a vu les gens là-bas qui avaient faim de Dieu. Il dit que c'est un jour spécial dans l'histoire du christianisme, l'enterrement de Jean-Paul II. Il dit que les gens avaient faim de Dieu. Let me ask you this, Benny. Alessio Vinci, our correspondent, talked to many of these pilgrims standing in line. Most say they do not attend church or follow the church's La plupart d'entre eux ne vont pas dans des églises autres que l'église catholique. Well, I believe it's going to, you know. You see what's going on earth today. Il dit que vous voyez ce qui se passe sur terre. Fears that people have. Les gens ont peur. And I think just there's a change happening. Il croit qu'il y a un changement. Il dit que le pape Jean-Paul II a fait de grandes choses. Et que le pape nous a rendu conscients qu'on a besoin de Dieu. Et que tout ce qui arrive là est un signe clair que les gens dans le monde ont faim de Dieu. I would suppose that many people reach into organized religion and take what they want from it and discard the rest. Don't you believe that? I'm sorry, say that again, dear. They sort of like belong to an organized religion, but they sort of pick out the pieces they want to follow and they throw the rest away. Elle demande s'il y a les gens qui choisissent ce qu'ils veulent croire. Qu'est-ce que lui l'a dit par rapport à ça? Well, of course they still do. I mean, you can always have that. But please understand. Il dit, comprenez. We are living in a day that we've never seen like Il dit qu'on before. Vit dans une période qu'on n'a jamais vue avant. I had 7 million people show Il dit qu'il a vu 7 millions de personnes qui sont venues à ces réunions d'évangélisation. La plupart sont catholiques. Look, whether there's organized religion or not, Il dit que la religion soit organisée ou pas, he is coming back to earth. Que Jésus va revenir And before sur terre. He's coming, he's making the world aware Et que pour venir, il va rendre le monde conscient de sa puissance. Il dit qu'on ne peut pas arrêter ça. Babylone, c'est le mélange du vrai avec le faux. Parce que tout ce qu'il dit, c'est qu'il y a le vrai et le faux. Il dit qu'il était content parce qu'il était le seul prédicateur évangélique qu'on a invité au de Jean-Paul II, qui avait lieu en service, comment on dit, quand il n'y a pas beaucoup de gens. Televangelist Benny Hinn joining Daybreak this morning. Thank you, sir. We appreciate. Donc il dit que le pape Jean-Paul II a marqué toute une génération positivement et lui aussi, c'est pour ça qu'il pleurait. Donc il était le seul prédicateur évangélique ou pentecôtiste qui a été invité là-bas parce qu'il marche main dans la main avec le pape Jean-Paul II. Prochaine image, nous venons ici. Tous les efforts que Martin Luther a fait pour séparer les chrétiens du mouvement catholique, Benny Hinn et Billy Graham ont annulé cela. Ils ont annulé cela comment? Ok. Ils ont annulé cela comment? Même Pat Robertson, c'est lui qui présente souvent le Seven Quoi Club là. Vous voyez l'insigne qu'il fait? Ce sont des francs-maçons. Je ne vais pas donner plus de détails que ça. Prochaine image. 16 hommes, je dis bien, ils ont annulé les efforts de Martin Luther de séparer radicalement les chrétiens évangéliques du catholicisme par leurs ministères respectifs et compromis divers avec le Vatican. Parce que quand ils ont prêché dans certains endroits, les gens disaient qu'on fait comment, on quitte les églises catholiques. Ils disaient non, parce qu'ils avaient peur que le nombre de personnes à leur réunion d'évangélisation diminue. Et ils sont entrés dans le compromis. Et puisqu'ils sont considérés comme étant des leaders dans le corps de Christ, entre guillemets, toutes les églises, les églises et les écoles de théologie et tout ça ont été influencées par leur prise de position. Prochaine image. Tu as déjà vu ce drapeau? Lève la main. Il y a des églises qui ont ce drapeau, on dit que c'est le drapeau chrétien. Ça, c'est le drapeau qui réunit toutes les églises du mouvement œcuménique. Dans la Bible, il n'y a pas de drapeau chrétien. Toutes les églises qui ont ce mouvement, qui ont ce drapeau-ci là, sont déjà partenaires avec le mouvement œcuménique. Et le mouvement œcuménique aura pour seul chef le Vatican, très bientôt. Remarquez bien ce drapeau. Prochaine image. Ça, c'est la liste des églises au Cameroun qui sont membres du Conseil œcuménique mondial. Voilà le logo de ce Conseil œcuménique. Voilà les noms de ces communautés-là. Et c'est une communauté mondiale de 349 églises en quête d'unité de témoignage commun et de service chrétien. Le témoignage commun que je lis dans la Bible, je n'ai pas le même témoignage avec eux. Amen. Prochaine image. Le calendrier grégorien. C'est-à-dire, le calendrier a également été affecté par la Grande Babylone. Ce que peu de gens ignorent, c'est que Dieu ne reconnaît pas le calendrier qui parle de l'an 2012. Ça vous surprend. C'est le pape Grégoire XIII. Il a été élu en 1572 et il a reçu des propositions de la part de certaines personnes pour corriger le calendrier. Parce que avant le pape Grégoire XIII, il y avait le calendrier qui était appelé le calendrier julien ou le calendrier romain, qui était basé sur les décisions qui avaient été prises par l'empereur romain qu'on appelait Jules César. Et il a donc consulté, le pape Grégoire XIII a consulté Christophe Clavius et un certain Allonius Litius. Et ils vont ramener l'année, le premier jour de l'année, de mars à janvier. Parce que le calendrier romain commençait en mars. Et Dionysius Exiguus, c'est lui qui va donc diviser les années pour constituer le calendrier actuel que nous avons, qui est appelé le calendrier grégorien, qui porte le nom du pape qui a demandé ce changement-là. Et il a donc divisé les années, il a placé l'an 0 entre 1 avant que Jésus ne vienne sur terre et 1 après que Jésus ne vienne sur terre. Donc, d'après la division de Dionysius Exiguus, le calendrier grégorien, le premier millénaire, va de l'an 1 en l'an 1000, et le deuxième millénaire va de l'an 1001 à l'an 2000. Le troisième millénaire va de l'an 1001, l'an 2001 jusqu'à l'an 3000. Donc, et pourquoi Dieu ne reconnaît pas ce calendrier? Déjà, le calendrier que nous utilisons actuellement dans le monde, vous savez, quand le Seigneur a parlé par l'apôtre Pierre dans Acte 3, versets 20 à 21, qui est le texte directeur de cette conférence, le Seigneur a parlé du temps du rétablissement de quoi? Toutes choses. Ça veut dire Dieu restaure également son calendrier. Amen. Amen. Le mois de janvier, là, ça vient de Janus, qui est le dieu des commencements, avec petit d. Quand vous voyez petit dieu avec petit d, là, sachez que c'est un démon qui se cache derrière. Février, Februa, c'est le festival romain des purifications. Purification de quoi? Quand moi j'ai été purifié par le sang de Jésus. Mars, Marsus, c'est le dieu du printemps. Avril, Aprilis, c'est Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Mai, Maya, c'est la déesse de la fertilité. Et juin, c'est Junius, la reine des dieux. Juillet, c'est Julius, Jules César. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça veut dire respectivement 6e, 7e, 8e, 9e et 10e mois. Donc, d'après, comment est-ce que le calendrier grégorien a fait pour s'établir? Les juifs, les premiers chrétiens, eux, ils se basaient sur quoi pour connaître les temps dans lesquels ils vivent? L'année 2011 du calendrier grégorien correspond à l'année 5771-5772 du calendrier hébreu. Donc dans le calendrier hébreu, on est entre 5772 et 5773. Et ce calendrier a été établi par Dieu dans Exode 12:2. Dieu a dit, ceci sera pour vous le commencement de l'année. Maintenant, pour comprendre bien, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut se référer à Israël, aux Hébreux, pour comprendre certaines choses que Dieu a dites et que Dieu a établies. Parce que Israël, le peuple hébreu, le peuple juif, est la boussole de Dieu pour les prophéties de la fin des temps. Les Juifs ont 4 débuts d'année. Leur calendrier est appelé lunisolaire parce qu'il est à la fois basé sur le cycle de la lune et le cycle du soleil et il comprend 354 jours au lieu de 365, comme le calendrier grégorien qui est le calendrier solaire. Donc, chez les Juifs, donc, ils ont d'abord l'année solaire. L'année solaire est appelée l'année civile. Elle commence en septembre-octobre. Et lors d'une fête qui est appelée Rosh Hashanah. Et cette fête-là, cette date-là a été, cette date-là ont été le produit du travail du patriarche Hillel II, qui était un docteur de la Torah, qui a fait ces travaux-là. Et d'après Hillel, l'année solaire qui commence en septembre-octobre en Israël correspond à la création du monde dans Genèse 1:5. Et l'année lunaire qui est Rosh Chodatim correspond au mois de mars-avril. Cette année correspond à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. C'est ça qui est dans Exode 12:2 où le Seigneur a dit que voici le premier mois de l'année pour vous. En réalité, ça c'est le début de l'année officielle en Israël. Et pendant cette période-là, cette période marquait le nouveau départ lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Et je veux te dire que quand Dieu a établi quelque chose, les événements suivent. Écoute-moi très attentivement. Quand tu dis souvent 2010, année de la gloire de Dieu, tu fais le bilan de ton année, tu vois qu'il y a zéro gloire de Dieu sur ta vie. Dieu ne peut pas être immiscé dans un programme que les hommes ont établi. Ça veut dire que si tu veux rentrer dans les périodes que Dieu reconnaît, refais-toi au calendrier hébreu. Et j'ai une bonne nouvelle à nous annoncer. Le premier jour de l'année chez les Hébreux, ça tombe aujourd'hui, 24 mars. Dis à quelqu'un bonne année. Dis à quelqu'un bonne année. C'est le premier jour. Et puis, Dieu a même établi que c'est à cette période. N'est-ce pas, c'est hier que les Français ont changé la montre, l'avancement, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est cette période-ci que Dieu a établie. C'est pourquoi le printemps, qui est la première saison, commence à la même période. Maintenant, quand tu dis, Dieu, voici mon année de ceci, mon année de cela, quand Dieu ne reconnaît pas cela, tu vas beau faire les déclarations prophétiques, tu ne verras aucun résultat. Donc, le commencement de l'année pour le Seigneur, se refait au calendrier des Hébreux. Donc, Dieu restaure ce calendrier-là. Maintenant, nous n'allons pas modifier, nous n'allons pas jeter les calendriers 2012 que nous avons. Parce que ces calendriers nous servent tout simplement de point de repère pour nos activités quotidiennes. C'est tout. Amen. Les Juifs, au temps de Jésus, les premiers chrétiens ne se conformaient pas au calendrier romain. Ils suivaient le calendrier des Hébreux. Maintenant, nous ne sommes pas tenus de respecter leurs impositions que voici le début d'année, voici la fin d'année. Parce qu'en réalité, il faut se référer au calendrier hébreu. Et pour ceux qui veulent plus de détails, il y a le journal qui est disponible là derrière. Nous avons fait tout un exposé de 2 pages là-dessus, avec tous les détails. C'est à Moïse que Dieu a révélé le calendrier. Quand Moïse, c'est Moïse qui a écrit Genèse. Vous voyez dans Genèse, Dieu dit là-bas le 7e jour, le mois de tel. Dieu a révélé le calendrier à Moïse. Donc, et le docteur qu'on appelle docteur Hillel, le docteur de la Torah, il a travaillé là-dessus et c'est lui qui a ressorti que nous sommes à l'année 5772, qui correspond au calendrier grégorien à l'année 2012. Amen. Amen. Ok. L'avant-dernière phase, nous allons présenter le contraste entre Babylone et l'Église véritable. Le contraste entre Babylone et l'Église véritable. Vous savez, plus une Église s'éloigne de la Bible, plus elle se rapproche du modèle babylonien. Prochaine image. Babylone est bâtie avec des briques. Les briques, c'est le travail de l'homme. C'est pourquoi les briques sont très fragiles. Qui a remarqué cela? Mais la Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes. La pierre n'est pas fabriquée par l'homme, elle est fabriquée par la nature. Et derrière la nature, il y a Dieu qui travaille. L'église est bâtie avec des pierres vivantes. Et comment savoir que tu bâtis avec les pierres vivantes? C'est lorsque tu t'appuies sur ce qui est dans la Bible. Lorsque tu ne t'appuies pas sur ce qui est dans la Bible et tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu, tu es en train de bâtir avec les briques. C'est pourquoi ça ne tiendra pas. Prochaine image. Quand Dieu veut déverser son onction dans la majorité des assemblées, ce ne sont que des ossements desséchés. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de réveil dans une dénomination lorsqu'on étudie l'histoire de l'église. Jamais. Et un autre contraste entre Babylone et l'Église véritable, Babylone veut dire la porte des idoles aussi. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon église » dans Matthieu 16, 18 « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point », Jésus pense aux portes de Babylone quand il le dit. Amen. Amen. Babylone veut dire confusion par mélange. Or, écoutez bien, l'église c'est ecclésia, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés hors d'eux. Maintenant, Babylone ne te dit pas de sortir hors de Babylone, te fait entrer dans. Donc Babylone fait le contraire. Babylone dit aux gens d'entrer dans un système. Jésus dit aux gens de sortir d'un système. Amen. L'église veut dire appeler hors d'eux. Babylone dit entrer. Restons sur place. Jésus dit à l'église, allez et faites de toutes les nations des disciples. Babylone dit, restons sur place. Bâtissons-nous un lieu de confort. Et quand il n'y a plus l'espace, on casse les murs, on agrandit. L'église est bâtie sur la parole de Dieu. Babylone est bâtie sur les parodies humaines. L'église est bâtie sur la vérité. Babylone est bâtie sur les traditions. Alléluia. Alléluia. Donc, prochaine image. Le système des méga-church. Ça, c'est Babylone visible. Les églises, vous voyez des foules là. Incontable là, avec une superstar au milieu. Prochaine image. Et il y a des gens qui développent des techniques par rapport à ces choses. Comment faire pour... Jésus n'a pas dit d'aller faire de toutes les nations des membres d'un milieu ou d'une congrégation, mais des disciples. Dans un tel milieu, tu ne peux pas savoir qui est disciple, qui ne l'est pas. Alors que dans une maison, c'est possible. Prochaine image. Prochaine. Et nous croyons, tout le monde croit aujourd'hui que le modèle d'église, c'est ça. Ça, c'est Babylone visible. Prochaine. Où des temples sont bâtis à la gloire d'un seul homme, comme Nimrod voulait le faire dès le départ. Prochaine. Jésus est supérieur à la religion. Prochaine image. Dernier point avant que nous ne concluions. Sortie de Babylone maintenant. Sortie de Babylone maintenant. De tout temps, je veux que tu saches que Dieu a toujours fait sortir son peuple de Babylone. Abraham est sorti de Babylone quand Dieu l'a appelé. Vous le savez? Quand Dieu a appelé Abraham, l'endroit où Abraham était, cet endroit-là, la Chaldée. La Chaldée, c'est l'endroit où Babylone est située. Dieu a fait sortir Abraham de Babylone. Moïse est sorti de la fille de Babylone, qui était l'Égypte. Israël est sorti de la fille de Babylone, qui était l'Égypte. Les Juifs sont sortis de l'exil babylonien, même comme ils sont encore retournés dans un autre Babylone avec les synagogues. Saul de Tarse est sorti du système babylonien des pharisiens. Les premiers disciples sont sortis du système babylonien des synagogues. Les premiers réformateurs sont sortis du système babylonien de l'église catholique romaine. Les derniers disciples sont appelés à sortir du système issu de Babylone. Tu vas noter les versets suivants, tu vas lire à la maison, parlant de la sortie de Babylone. Jérémie 51. Tu vas lire tout le chapitre. Esdras 6, verset 5. Ésaïe 14, où on parle du jugement du maître de Babylone, qui est clairement identifié là-bas par Satan. Ésaïe 48, verset 20. Apocalypse 18, verset 4. Et maintenant, si quelqu'un pose la question, si je sors, je vais aller où? Tu peux lire Luc 8, 38. La Bible nous dit que quand Jésus est sorti de la synagogue, on voulait le tuer, il est entré dans une maison. Amen! Et dans Actes 18, 7, quand on a voulu massacrer Paul dans une synagogue, il est sorti, il est entré dans une maison. Jean 12, versets 42 à 43. Ça, c'est pour ceux qui ont signé l'Indien avec les dénominations. Jean 12, ce n'est pas obligé, hein? Vous n'êtes pas obligé de sortir. Amen. Amen! Vous n'êtes pas obligé de sortir. N'allez pas dire qu'on vous a dit. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous continuez. Nous, on a seulement dit ce qu'on avait à dire. Jean 12, versets 42 à 43. La Bible dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y aura toujours de telles personnes qui aiment la gloire des hommes, ce que les hommes pensent, plutôt que ce que Dieu a clairement énoncé dans sa parole. Donc, nous lançons un vibrant appel de la part du ciel à fuir toute théologie, tout mode de pensée et d'action qui contredisent l'évangile du Sauveur. Alléluia. Nous allons nous mettre sur nos pieds. Nous allons nous mettre sur nos pieds. Il y a des personnes qui sortent de Babylone, mais Babylone est toujours en eux. Voilà un autre problème. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, l'Égypte était toujours en eux. Quand Dieu a fait sortir Moïse du système pyramidal babylonien des Égyptiens, Dieu a pris le temps également d'enlever cela. C'est pour cela que certains d'entre vous seront troublés parce que Dieu va prendre le temps pour enlever tout ce qui avait été mis en vous et qui ne le glorifiait pas. Et si tu obéis à Dieu, à la longue, tu verras les fruits de la parole de Dieu. Amen. Élève ta voix et parle à Dieu par rapport à ce que tu viens d'entendre au nom de Jésus. Cri de ton peuple, tu écoutes la prière de ton peuple. Ce ne sera pas facile de sortir de Babylone. Je sais ce que c'est. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En guise de conclusion, je vais lire Ésaïe 14, versets 22 à 23. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. » Verset 23, « J'en ferai le gîte du hérisson avec un marécage. » Et je la balancerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Au nom de Jésus-Christ. Amen.